Daniel chapitre 6. Or il plut à Darius d'établir sur le royaume 6 satrapes, pour être sur tout le royaume, et au-dessus de 3 gouverneurs, dont Daniel était l'un, auxquels ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne souffrît aucun préjudice. Mais Daniel excellait par-dessus les autres gouverneurs et satrapes, parce qu'il avait plus d'esprit qu'eux, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les gouverneurs et les satrapes cherchaient à trouver quelque occasion d'accuser Daniel touchant les affaires du royaume, mais ils ne pouvaient trouver en lui aucune occasion, ni aucun vice, parce qu'il était fidèle, et qu'il ne se trouvait en lui ni faute, ni vice. Ces hommes donc dirent, « Nous ne trouverons point d'occasion d'accuser ce Daniel, si nous ne la trouvons dans ce qui regarde la loi de son Dieu. » Alors ses gouverneurs et ses satrapes s'assemblèrent vers le roi, et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les gouverneurs de ton royaume, les lieutenants, les satrapes, les conseillers, et les capitaines sont d'avis d'établir une ordonnance royale, et de faire un décret ferme, que quiconque fera aucune requête à quelque dieu, ou à quelque homme que ce soit, d'ici à 30 jours, sinon à toi, ô roi, qu'il soit jeté dans la fosse des lions. Maintenant donc, ô roi, établis ce décret, et fais en écrire des lettres, afin qu'on ne le change point, selon que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. » C'est pourquoi le roi Darius écrivit la lettre et le décret. Or, quand Daniel eut appris que les lettres en étaient écrites, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait et célébrait son Dieu, comme il avait fait auparavant. Alors ses hommes s'assemblèrent, et trouvèrent Daniel priant, et faisant requête à son Dieu. Ils s'approchèrent, et dirent au roi, « Touchant le décret royal, n'as-tu pas écrit ce décret, que tout homme qui ferait requête à quelque dieu, ou à quelque homme que ce fût, d'ici à 30 jours, sinon à toi, au roi, serait jeté dans la fosse des lions ?» Et le roi répondit, et dit, « La chose est constante, selon la loi des Mèdes et des Perses, laquelle est irrévocable. » Alors ils répondirent, et dirent au roi, « Daniel, qui est un de ceux qui ont été emmenés captifs de Juda, n'a tenu compte de toi, ô roi, ni du décret que tu as écrit, mais il prie, faisant requête 3 fois le jour. » Ce que le roi ayant entendu, il en eut en lui-même un grand déplaisir, et il prit à cœur Daniel pour le délivrer, et s'appliqua fortement jusqu'au soleil couchant à le délivrer. Mais ces hommes-là s'assemblèrent vers le roi, et lui dirent, « Ô roi, sache que la loi des Mèdes et des Persais, que tout décret et toute ordonnance que le roi aura établi, ne se doit point changer. » Alors le roi commanda qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse des lions. Et le roi prenant la parole, dit à Daniel, « Ton Dieu, lequel tu sers incessamment, sera celui qui te délivrera. » Et on apporta une pierre, qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau, et de l'anneau de ses gentilshommes, afin que rien ne fût changé touchant Daniel. Après quoi le roi s'en alla dans son palais, et passa la nuit sans souper, et on ne lui fit point venir les instruments de musique, il ne put même point dormir. Puis le roi se leva de grand matin, lorsque le jour commençait à luire, et s'en alla en diligence vers la fosse des lions. Et comme il approchait de la fosse, il cria d'une voix triste, « Daniel !» Et le roi prenant la parole, dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, lequel tu sers incessamment, aurait-il bien pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et a fermé la gueule des lions, tellement qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Alors le roi eut en lui-même une grande joie, et il commanda qu'on tirât Daniel hors de la fosse. Ainsi Daniel fut tiré hors de la fosse, et on ne trouva en lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Dieu. Et par le commandement du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel, furent amenés et jetés, eux, leurs enfants et leurs femmes, dans la fosse des lions, et avant qu'ils fussent parvenus au bas de la fosse, les lions se saisirent d'eux, et leur brisèrent tous les os. Alors le roi Darius écrivit des lettres de telle teneur, à tout peuple, nation et langue qui habitent en toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi est fait un édit, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et permanent à toujours, et son royaume ne sera point dissipé, et sa domination sera jusqu'à la fin. Il sauve et délivre, il fait des prodiges et des merveilles dans les cieux et sur la terre, et il a délivré Daniel de la puissance des lions. Ainsi Daniel prospéra au temps du règne de Darius, et au temps du règne de Cyrus de Perse.